Chez nous, on roule en béba. La couloir m'a dit à Coco. Malembe était Terrano synthétique. Transcoflet Express, Pierre Chamba, Chalet Chamba. Éclaireur, allez-y, troupe avancée. Pour le pas le job Wendo. Comme à Kipé, Tomeli et Wakate. Caps, Kapangala, le champion. Cercas, Cas, contact. Abakoufé, Malo Yami. Lan. Oui, vous dites que vous êtes à Makino. Bangi Mukina Muka, Mukina Mushiki, Osaka Wandemi Wakati, Suka. Roboti Aloube Lumila Las Cross Balobi, to komi na match kumbi. Yo kanadu ha. Ça c'est vivre la musique nouvelle du sud. De papa Wemba mukili mobi. Tout le monde va mouver. Kaka bashenge bayaya. Basolo ba New Jack na Bruxelles. Sando ba Rome ba Gaddafi. C'est la voix de Natu. New Jack, New Jack, New Jack. Je suis le meilleur gamin d'Afrique. Yeah, yeah, yeah. Bumbu, yeah, yeah. Papa Wemba. Koliville na Luanda. Roger Ndonga, hey! Claudie Lelo, Alain Lito. Hey! La petite chance est loco pamba. Coco Maria, Nami Michi Vundu. Yamogao, na Chantal Nota. sona kingo ebende. Et le commandant soviétique, poison Gorbatchev. Le colonel Jagger, Benga Bapeti Abachede, Bangonio Sotuna Chamoukouane. Ndinga uzape nzambete uzana nikasi kulutu wabaleki Joseph Profa Ngwabi Mabaya Beata, Yebisa Bango, histoire va changer à terre.